إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة الكرام من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين الذين ثبتت ولايتهم ثبوتا صحيحا بالرضا أو الغلبة جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية مات ميتة الجاهلية أي يموت كما يموت أهل الجاهلية الذين لا يرون ولاية عليهم وجاء في لفظ آخر من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم Quand Allah Azza wa Jal fait partie des fondements des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna et ceux qui se cramponnent à la voix de leur puiser qu'il est interdit de se révolter contre son gouverneur et contre les gouverneurs des pays de l'Islam ces gouverneurs qui ont eu ce gouvernorat soit par la force et se sont imposés soit par l'agrément et par l'allégeance Il a été rapporté dans les authentiques chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahumullahu jami'an. Il hadith d'Abdullah ibn Abbas, ridwanullah alayhi majma'in, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Qui a dit? Celui qui ne parle pas de ses propres passions. Ce n'est ni le khassira, ni l'homme politique, ni les prêcheurs de la fitna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Celui qui déteste son gouverneur, ou là qu'il déteste quelque chose chez son gouverneur, qu'il patiente, car celui qui quitte la tutelle de son gouverneur et qui sort du gouvernorat de son gouverneur d'un empon, et s'il meurt dans cette situation, il meurt la mort des gens de la période pré-islamique. Parce que les gens de la période pré-islamique ne voient pas tutelle sur eux, ne voient pas de gouverneur sur eux. Ils ne voient pas d'obéissance au gouverneur. Il a été rapporté dans une autre expression, dans une autre version. Celui qui voit de son gouverneur quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente, car celui qui quitte le groupe, d'un empon. Et s'il meurt, il va mourir une mort comme la mort des gens de la période pré-islamique. ولعل قائلا أخ الإسلام يقول إنهم يأخذون أموالنا ويشغلوننا ولا يؤدون حقوقنا فاسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى. Peut-être que quelqu'un dira, ils prennent notre argent, ils nous utilisent, ils s'accaparent de nous, de nos biens, et ne s'acquittent pas de leurs devoirs vis-à-vis de nous. Écoute maintenant le messager d'Allah dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Ce n'est pas l'agent de l'AFP. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas de ses propres passions. Fasma akha al-islam, illadhi la yantiqu anil hawa. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرون به يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون أثرة أي سيكون عليكم ولات سيأخذون لأنفسهم وسيأترون بالمال لأنفسهم ها وترون أمورا تنكرونها فقالوا فماذا تأمرون يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم هذا توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا الله عز وجل. Écoute maintenant cette noble orientation de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Le hadith, comme tu l'as entendu, il est dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Ibn Mas'ud de nous dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez voir après moi des choses que vous n'allez pas reconnaître, qui vous allez blâmer, et des gouverneurs qui vont prendre les choses qu'ils ne vont pas vous donner. Ils vont prendre les fortunes, ils vont tout prendre pour eux-mêmes. Ils ne vont rien vous donner. Ils lui ont dit, « Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu nous ordonnes dans ces cas-là » Il a dit, « Acquittez-vous de votre devoir vis-à-vis d'eux. » Et demandez à Allah votre droit. Votre devoir, vous devez vous en acquitter vis-à-vis d'eux. Et votre droit, vous le demandez à Allah. Ça, c'est quoi? C'est l'orientation de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Akhal Islam. Yaqulu Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah fi sharhihi Risalat Siyasa Al-Shar'iyya Ibn Taymiyya rahimahullah yaqulu fi sharhihi ala hadha al-hadith Subhanallah سنجد أثرة يعني يستأثرون علينا في المال والمساكن والمرافق وكل شيء وكذلك أيضا نرى أمورا ننكرها لكنها دون الكفر البواح يقول أدوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وعدم المنابذة لكن بالمعروف Et il dit, rahimahullah, écoute, Cheikh Al-Uthaymin, quand il a fait le commentaire du livre, La politique légiférée de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, gloire à Allah, nous allons trouver des situations que nous ne reconnaissons pas, que nous blâmons, ils vont prendre l'argent, ils vont prendre les résidences, ils vont prendre toutes choses. Hein? Et avec ça, nous allons voir des choses blâmables, qu'on ne reconnaît pas et qu'on blâme. Mais ces choses et tout ceci qui a été cité, ce n'est pas du domaine de la mécréance qui sort de l'islam. Et ce n'est pas une mécréance claire. Et il dit, rahimahullah, acquittez, il cite la parole du prophète, acquittez-vous de votre devoir vis-à-vis d'eux. Et des droits qu'ils ont sur vous. Ces droits, c'est quoi? Le fait d'entendre, d'obéir et de ne pas les concurrencer sur leur poste. De ne pas se révolter contre eux. Hein? On écoute et on obéit dans le bien et dans l'obéissance à Allah. Mais on ne les concurrence pas dans leur poste et le pouvoir. Wa qala rahimahullah, was'alullah haqqakum. Et il dit rahimahullah, il demande à Allah, ce qu'il a dit le prophète alayhi sallam, votre droit. Yaqul rahimahullah, wa min su'alillahi haqqina an nas'alallah lahumul hidayata wa tawfiq. والقيام بما يجب خلافا لبعض الناس الذين نصفهم بالسفه يقولون لا تدعوا لحكام هذا الوقت، لا تدعوا الله ليهديهم، لا تدعوا الله ليهديهم ويصلحهم ويصلح الله بهم، فهم لا يستحقون أن يدعى لهم. يقول رحمه الله: نعوذ بالله، القلوب بيد من؟ بيد الله. ادعوا الله تعالى لحكام مصر ولحكام سوريا ولحكام الأردن ولأي حاكم، كل الحكام ندعو لهم الله أن يصلح حكام المسلمين. هذا الفقه في الدين أخي الإسلام، من الفقيه الأصولي المحقق بحق رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, et fait partie des choses que nous devons demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui sont de notre devoir et de notre droit plutôt, c'est qu'on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il les guide et qu'il les accomplisse sur la bonne voie. Et que Allah Subhanahu wa Ta'ala fasse qu'ils accomplissent ce qui est obligatoire pour eux. À qui? Les gouverneurs. Leur faire dua, que Allah subhanahu wa ta'ala les accomplisse sur la bonne voie, qu'ils accomplissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour eux. Il dit, contrairement à certaines personnes que nous décrivons comme insensées, car ils disent, ne faites pas de dua pour les gouverneurs de notre époque. Ne demandez pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide les gouverneurs de notre époque, et qu'il les oriente. Eux, que Allah subhanahu wa ta'ala fassent par leur intermédiaire le bien, car ils ne le méritent pas. Ils ne méritent pas qu'on leur fasse dua. Et il dit, rahimahullah, nous nous réfugions vers Allah. Na'oudhu billah. On cherche refuge auprès d'Allah. Les cœurs sont entre les mains de qui? Yaqulu rahimahullah, biyadillah. Entre les mains d'Allah. Demandez, faites des dua au gouverneur d'Égypte, au gouverneur de Syrie, au gouverneur de Jordanie, et à n'importe quel gouverneur, tous les gouverneurs, nous devons leur faire dua, que Allah subhanahu wa ta'ala les oriente dans la bonne voie, et que Allah subhanahu wa ta'ala oriente dans la bonne voie les gouverneurs, les musulmans. Yaqulu rahimahullah, hal hada yadur? Fayaqul bal yanfa'. Ida istajaba Allahu ad-da'wata aslaha Allahu al-hal. إما بإصلاح حاله هو أو بإبداله بخير منه بدون فتنة. Il dit, حفظه الله تعالى, est-ce que ça fait du mal? Le fait de leur faire dua, est-ce que ça fait du mal? Il dit, non, cela est bénéfique. Si Allah subhanahu wa ta'ala exauce le dua, et la situation devient bien, Allah subhanahu wa ta'ala exauce le dua, et la situation devient meilleure, soit par le fait que sa situation à lui devient bonne, il accomplit son devoir, soit Allah subhanahu wa ta'ala le change, il met quelqu'un de mieux à sa place, sans fitna, sans perturbation, sans trouble, sans insécurité. Yaqul, amman yaqul ana la arda fi'la hadha al-hakim wa idha kunt la arda fi'lahu falan ad'u wala fa hadha la shak min as-safah. Il dit, quant au fait de dire, moi je n'agrée pas les actes de ce gouverneur. Et si je n'agrée pas ses actes, je ne fais pas de dua pour lui. Il n'y a aucun doute que ça fait partie de la situation d'insensé. C'est une situation insensée. Yaqul wa lihada qala addu ilayhim haqqahum was'alu Allah haqqakum. Wa bima yakunu haqquna yakuhuna haqquna bi istiqamatihim وإصلاحهم ومن أسباب استقامتهم وإصلاحهم أن ندعو الله لهم ولو أن الناس اتبعوا هذه التوجيهات النبوية لحصل خير كثير واندر أشر كثير. Il dit, رحمه الله تعالى, et c'est pour ça que le prophète a dit, acquittez-vous de leur devoir, acquittez-vous de votre devoir vis-à-vis d'eux et de leur droit, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit. Et avec quoi s'accomplit notre droit? Notre droit va s'accomplir avec la situation. S'ils sont dans le bon chemin, ainsi va s'accomplir notre droit. Et fait partie des moyens avec lesquels ils vont être sur le bon droit, sur le bon chemin, ils vont être réformés, c'est qu'on leur fasse des du'as. Il dit, Rahimahullah, et si les gens avaient suivi ces orientations du prophète, alayhi salam, il y aurait un grand bien et beaucoup de mal serait estompé et serait anéanti. Ça, c'est la compréhension du jurisconsulte, consulte par excellence de cette communauté, qui est Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, wa askanahu fasihat jannati. Yaqul, inna l'insana yaqumu bil wajib alayhi, wa yas'alu Allah haqqahu alladhi lah. Hatta law ra'aynahum yasta'tiluna alayna bi shay' aw bi kulli shay', fala yahummu hadha, nahnu ma'muruna bi shay'. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, l'être humain doit accomplir son devoir. Il doit demander son droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il voit que les gouverneurs prennent les choses, ils prennent toutes les choses, ils s'accaparent de toutes les fortunes, de tout le bien et des trésors. Hein? Il dit, ceci n'est pas important. Il nous a été ordonné une chose et il leur a été ordonné d'autres choses. Et nous devons nous acquitter de ce qui nous a été ordonné. Yaqul, wa laysa li wallat al-umur an yaqsimu al-amwal bi hasabi ahwa'ihim kama yaqsimu al-malik mulkah. Fa innama hum umuna wa nawab wa wukala laysa mallakan kama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni wallahi la a'ti ahadan wa la amna'u ahadan. وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه البخاري عن أبي هريرة. Et il dit, حفظه الله تعالى, quant au gouverneur, il ne leur appartient pas de diviser l'argent et les fortunes selon leur passion, comme le fait celui qui a une fortune, il la divise comme il veut. Il dit, mais eux, Allah subhanahu wa ta'ala met cette fortune et c'est un dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis dans leurs mains. Donc ce sont des délégués. Hein? Et ça ne leur appartient pas. Il dit, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, du hadith d'Abu Hurayra radiallahu ta'ala, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, je ne donne à personne. Et je ne prive personne. Mais je divise. C'est-à-dire, je partage. Et je mets les choses là où Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ordonné de les mettre. قول النبي صلى الله عليه وسلم قاسم فهناك أشياء يقسمها بأمر من الله مثل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأشياء توكل إلى اجتهاده ففي بدر وكل الأمر إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم فلم يقسمه كما تقسم الغنائم فالمهم أن هذا إما أن يكون منصوصا عليه وإما أن يوكل إلى اجتهاده. Il dit, رحمه الله تعالى, quant à la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, je partage, il y a des choses que le Rasoul صلى الله عليه وسلم partageait par l'ordre d'Allah, comme le veut Allah, comme lui a décrété Allah سبحانه وتعالى. Comme il est dit dans le verset Isha, c'est que ce que le butin que vous avez eu, il appartient, le cinquième appartient à Allah et à son messager, et aux proches, et aux orphelins, et aux nécessiteux, et aux voyageurs, hein, à l'étranger qui ont voyage. Il y a d'autres choses qui sont déléguées à son effort d'interprétation. Par exemple, pendant la bataille de Badr, hein, la situation était déléguée à l'effort d'interprétation du prophète alayhi salatu wasalam. Donc il n'a pas partagé comme doit se partager le butin. Et Cheikh Al-Uthaymeen de nous dire, l'essentiel, c'est que, pour ce qui est du partage, soit c'est décrété dans un texte, soit c'est délégué à l'effort d'interprétation du prophète alayhi salatu wasalam. Yaqul, فَهَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَنْعُ وَالْ عطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله. Il dit, حفظ الله رحمه الله تعالى, toujours les paroles sont à Cheikh Al-Uthaymeen, ça c'est le messager du souverain des mondes. Il a annoncé comme quoi il ne prive personne, il ne donne personne, c'est pas selon sa volonté ni son choix. Comme fait celui qui a une fortune, il la divise comme il veut. Hein? Et comme font les rois qui donnent à ceux qu'ils aiment, ils privent ceux qu'ils veulent, ceux qu'ils détestent. Et il dit que lui, c'est un serviteur d'Allah, qui, c'est-à-dire le messager d'Allah est un serviteur d'Allah, qui partage la fortune comme lui a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a mis là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de la mettre. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله سبحانه وتعالى. Et ainsi a dit un homme, Omar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه. Il a dit, si tu prends un peu de largesse pour tes dépenses personnelles, hein, de la fortune d'Allah سبحانه وتعالى. فقال له عمر أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ إيه عمر بن الخطاب a répondu à cet homme, est-ce que tu sais mon exemple par rapport à cela, c'est-à-dire par rapport à la population qui est sous sa tutelle, et sous son gouvernorat. Il dit, c'est comme des gens qui étaient en voyage et qui ont réuni de l'argent pour les dépenses du voyage, ils l'ont donné à quelqu'un. Est-ce que celui-là, il est permis qu'il prend quelque chose pour lui, en particulier, hein? Yaqul وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس فقال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء فقال له بعض الحاضرين إنك أديت الأمانة إلى الله سبحانه وتعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لارتعوا. Et un jour on lui a ramené une grande fortune, le cinquième, le butin, hein? Et il a dit, il y a des gens qui se sont acquittés du dépôt qu'on leur a confié, ils étaient dignes. Il a dit, les gens, il y a des gens qui ont, se sont acquittés, qui étaient dignes pour ce dépôt, pour ce qu'ils ont ramené. Certains parmi les présents lui ont dit, tu as été digne pour le dépôt, c'est pour ça qu'ils étaient dignes vis-à-vis de toi. Si tu n'étais pas digne, ben ils auraient été la même chose. Si tu ne l'étais pas, ben, eux aussi, ils auraient été pas dignes. Wayan Bari, Anyu'arafa, Anna Wali al-Amr, Kassouk, Manufika Fihi, Juliba Ilay. Hakada Kala Omar ibn Abdul Aziz, Rahimahullah. Waradiyallahu anhu. Fa'in nafaka Fihi, Sidq, Walbir, Waladl, Walamana, Juliba Ilay Hidalik. وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. إذا كان الولي صادقا كانت الرعية كذلك. إذا كان الولي أمينا كانت الرعية كذلك. Voici une belle image qu'a donné Omar ibn Abdul Aziz رحمه الله تعالى. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit رحمه الله تعالى, il faut savoir que le gouverneur, c'est comme le marché. Ce qu'on ramène au marché, ça va être. Hein? S'il y a du bien dans le marché, ben c'est ce qu'il y a. Hein? S'il n'y a pas de bien dans le marché, ben il n'y a pas de bien dans le marché. Et il dit, c'est comme il a dit Omar ibn Abdul Aziz. Il dit, comme parlons du gouverneur, si, faisons l'image avec le marché, si dans le marché il y a la vérité, la dévotion, la soumission à Allah, la justice, la confiance, ben c'est ce qui va être amené à ce marché. Ici, maintenant, dans ce marché, il y a le mensonge, la perversité, la trahison. Hein? Ben c'est ce qui va être ramené aussi à ce marché. Ça veut dire que si le gouverneur est véridique et digne de confiance, la population est de même. Hein? et vice-versa. Et la même chose, c'est les gens sont véridiques, etc., dignes de confiance, le gouverneur sera de même à l'islam. Yaqoul, والذي على ولي الامر يقول الشيخ العثيمين والذي على ولي الامر ان ياخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا بلغه ان بعض نوابه ضرم يقول اللهم اني لم امرهم ان يظلموا خلقك وفي نسخه ولا يتركوا حقك الشيخ العثيمين دندير. Et ce qui est du devoir du gouverneur, c'est quand il prend l'argent licite, il la donne à qui de droit, il l'a mis là où il doit être mis. Il ne prive pas ceux à qui il doit donner, à ceux qui méritent les donations. Il dit, Ali radiallahu ta'ala anhu arda, quand il lui arrive qu'un de ses délégués, un de ses représentants, était injuste, ben il dit, oh Allah, je ne leur ai pas ordonné d'être injuste avec tes créatures. Et dans une autre version, et je ne leur ai pas ordonné qu'ils délaissent ton droit. C'est-à-dire, il leur ordonne la justice et le fait de s'acquitter des droits d'Allah. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا الواجب على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه ثلاث أمور فلا يحل أن يأخذه ظلما ولا أن يضعه في غير حقه ولا أن يمنعه من مستحقه il dit رحمه الله ça c'est l'obligation du gouverneur que l'argent il doit le prendre par une voie licite il doit le mettre là où il faut le mettre Là où c'est sa place. Il ne doit pas en priver celui qui en a le droit. Il dit trois choses ici. Il ne doit pas le prendre injustement. Il doit le mettre à sa place. Il ne doit pas en priver ceux qui le méritent. Ceux à qui il faut qu'il soit donné. يقول وما قاله عمر بن عبد العزيز حكمة عظيمة أن ولي الأمر كالسوق إن نفق فيه البر والصدق والأمان وإعطاء الحقوق صارت الرعية كذلك وإن نفق فيه الكذب والخيانة والظلم والجو صارت الرعية كذلك ولهذا جاء في الأثر كما تكون ولا عليكم وهذا وإن لم يكن حديثا صحيحا لكن يشهد له قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون Il dit, rahimahullah ta'ala, ce qu'il a dit Omar ibn Abd al-Aziz, c'est une noble sagesse, une énorme sagesse, que le fait qu'il a dit que le gouverneur est comme le marché. Donc ce qu'on ramène au marché, si on ramène la confiance, la véracité, etc., et le fait de s'acquitter des droits, la population va être de même. Ici, il y a le mensonge, la trahison, l'injustice, le fait de dépasser la même, la population va agir de la même façon. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans l'Athar, et ceci n'est pas un hadith. Comme vous êtes, seront vos gouverneurs. Et une autre phrase qui explique celle-ci, vos actes, ce sont vos gouverneurs. Hein? Et témoigne pour ça, le verset qui dit ainsi nous allons mettre à la tête de certains injustes d'autres injustes par les actes qu'ils ont mérités qu'ils ont accomplis nos actes les actes des injustes vont leur prévaloir d'autres injustes qui vont sur eux هذا المقصود من كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى ça c'est ce qui est voulu de la parole témoignage dans la parole de ابن عثيمين رحمه الله تعالى sur l'interprétation qu'il a faite de la législation légiférée de شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله والآن مع تمهيد لكتاب الإسلام ابن برجس وهو كتاب عظيم ورسالة عظيمة صغيرة الحجم ها و يستحق علينا أن نعكف عليها في هذه الأيام أيام الفتن، ونأخذ منها فقط التمهيد. يقول رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. Et maintenant je prends un autre passage qui concerne la fitna dans laquelle nous baignons maintenant. Et ce passage, ce n'est que la préface, du livre de la Risala du Cheikh Ibn Barjis, rahimahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la, qui est une Risala qui a son importance à notre époque. Que les doués de la plume doivent traduire, surtout à l'époque où nous vivons maintenant. Et il commence cette Risala dans le titre, comment être avec les gouverneurs selon le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Il commence cette préface et il dit, rahimahullah, le fait d'écouter et d'obéir aux gouverneurs des musulmans est un des fondements parmi les fondements des croyances salafi et du dogme salafi. Il dit, il n'y a pas un livre concernant les croyances où il n'y a pas un chapitre qui concerne ce fondement, qui est le fait d'obéir et d'écouter et d'obéir à son gouverneur. Et les hommes de science lui ont donné son importance, l'ont interprété, ont éclairé la communauté dessus. Pourquoi il dit, rahimahullah ta'ala, parce que ce chapitre est très important et ce fondement est très important. Car avec le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur, les situations de la religion s'arrangent et vont dans le bon sens. Ainsi que les situations de la dunya. Et le fait de parler sur eux, de les critiquer, d'émettre des mensonges contre eux, que ce soit au niveau de la parole, au niveau des actes, ceci c'est le mal dans la religion et dans la dunya. La situation elle est devant toi. Il y a des gens maintenant, alors en parlant maintenant, ils n'ont pas ouvert leur magasin à Tanger et dans beaucoup de villes marocaines pour vendre les légumes les gens. L'insécurité, ce que ça fait. Voilà. Maintenant, il y a un petit peu partout. Plus tout ce que tu as vu, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe encore maintenant en Tunisie, et ainsi de suite. Bahreïn, Vazin, la liste est longue. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. Et il dit, rahimahullah ta'ala, et ce qui est connu, essentiel et fondamental dans la religion de l'islam et obligatoire dans cette religion, c'est qu'il n'y a pas de religion sans groupe, il n'y a pas de groupe sans gouverneur, il n'y a pas de gouverneur sans obéissance et sans le fait de lui écouter et de lui obéir. Yaqul al-Hasan al-Basri rahimahullah fi al-Umara hum yaluna min umurina khamsan al-Jumu'a wal-Jama'a wal-Eid wal-Thughur wal-Hudud wallahi la yastaqimu ad-din illa bihim wa in jaru wa zalamu والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر وهذا كفر دون كفر الإسلام. Et Hassan al-Basri رحمه الله de dire en ce qui concerne les gouverneurs, il dit, il s'occupe de cinq choses parmi notre dans notre situation et dans notre vie. Il s'occupe des vendredis, pour les imams du vendredi. Ils s'occupent du groupe, des fêtes, et des champs de bataille, et des frontières. Tout ça, ils s'en occupent. Et il dit, rahimahullah, par Allah, la religion ne serait droite qu'avec eux, c'est-à-dire qu'avec leur gouvernorat. Même la religion ne serait, ne serait accomplie sur terre qu'avec un gouverneur, même s'il est injuste, même s'il dépasse ses limites. Il dit, par Allah, le bien qu'ils ramènent est plus que le mal qu'ils font. Et il dit, alors que leur obéissance, il faut envier celui qui leur obéit. Et le fait de se séparer d'eux, c'est une mécréance. Mais ici, c'est une petite mécréance. Une mécréance qui n'en est pas. Une mécréance qui ne sort pas de l'islam. Comme disent les hommes de science. Yaqul, Cheikh Ibn Barzis, rahimahullah ta'ala, وَذُكِرَ السُّلْطَانُ عِنْدَا بِالْعَالِيَةِ فَقَالَ مَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرْ مِمَّا يُفْسِدُونَ. Et on a cité, c'est le noble tabi'i, Abu al-Aliya, le gouverneur. On a parlé du gouverneur devant lui. Il a dit, le bien avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala ramène par l'intermédiaire du gouverneur est plus grand que le mal que font les gouverneurs. Et ça s'est épuisé, Abdullah alayhi wa sallam. Ce sont des hommes qui ont été éduqués par les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam, qui étaient sur le chemin de ces nobles compagnons. Bah regarde à qui tu veux donner ta raison. Aux insensés de l'Khassira et aux prêcheurs de la perturbation. Et aux docteurs qui vont dans le sens des envies des gens. Et aux clowns de la da'wa. Il y a certains clowns dans la da'wa. Il n'y a pas besoin que je cite leur nom. Yaqul rahimahullah. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. Il dit رحمه الله تعالى نبيزي رضوان الله عليهم. Donner une grande importance à ce sujet, le sujet du fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. Surtout quand apparaissent les fitnas, quand la fitna a commencé à faire montrer ses cornes. Parce que le fait d'ignorer ce fondement principal dans la aqida, ou le fait de ne pas le connaître, de ne pas lui donner de l'importance, ramène un énorme mal. Un énorme mal pour les gens, pour le pays, et détourne de la voie agréée min Allah Azza wa Jal. يقول واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم أقتصر على صور منها. Il dit la préoccupation et l'importance qu'ont donné les puiseurs d'Allah à ce sujet. Ces images sont nombreuses dans l'histoire, dans les annales de l'histoire de la communauté. Il dit, je vais citer certains parmi eux. Sourate al-Oula, al-Tahdiru min al-Khuruji alayhi, min al-Khuruji ala al-Imam, ala al-Hakim, wa ala al-Ra'is, wa ala al-Malik, wa ghayrihim. Le premier cas de figure, c'est le fait que le puiseur d'Allah avertissait contre le fait de se révolter contre le gouverneur, qu'il soit roi, président, ou appelle-le comme tu veux. مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. إمام أحمد وما أدراك ما الإمام أحمد. عقمت بطون النساء أن تلد لنا مثل الإمام أحمد. Et l'un des grands exemples, c'est ce qu'a accompli l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, l'imam des gens de la sunna et ceux qui sont unanime sur la sunna par excellence. Les ventres des femmes sont devenus stériles pour nous donner des hommes comme l'imam Ahmed maintenant. Il a été un énorme exemple. Il y a un noble exemple. Et le sommet de l'exemplarité dans le comportement avec les gouverneurs. Rahimahullah ta'ala. يقول فلقد تبنى الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف وأهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعظائم. Il dit, rahimahullah ta'ala, certains gouverneurs de l'époque de l'imam Ahmed ont ramené certaines croyances mauvaises. Hein? Et ces croyances mauvaises, ils veulent l'inculquer à la communauté par force et par les armes. Beaucoup de sang a été coulé. Beaucoup de sang d'hommes de science a été coulé à cause de cette idée que voulaient propager ces gouverneurs. Et il a été imposé le fait de dire que le Coran est une créature et non pas la parole d'Allah. Hein? Regardez cette mécréance claire. Imposée à la communauté, l'enseigner dans les petites écoles coraniques pour les petits enfants comme le Coran est une créature. Il n'est pas la parole d'Allah. Et regardez la position de l'imam Ahmed malgré tout ça. Et d'autres énormités que ces gouverneurs ont imposées à la communauté de l'époque de l'imam Ahmed rahimahullah. Wa ma'a dhalika kulli, fa l'imam Ahmed la yanzi'uhu hawa wa la tastajishuhu al-awatif al-awasif ka halina al-yawm. Najri ma'a al-asifa, najri ma'a al-awatif. فتعصف بنا في فتنة لا يعلم الله تعالى منتهاها يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم منتهاها متى ستنتهي بارك الله فيك بل ثبت على السنة لأنها خير وأهدى فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة عليه ووقف كالحبل كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النووي وسير السلفية سياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. Et malgré tout ça, l'imam Ahmed rahmatullah alayh, les passions l'ont pas pris, les sentiments l'ont pas entraîné comme il se passe maintenant. Les gens courent, que ce soit les prêcheurs de la fitna ou les docteurs, etc., ou le masque, courent derrière les sentiments. Ils sont enflammés par les sentiments. Ils ont laissé de côté la parole d'Allah, l'authentique de la sunna, la compréhension du plus aïeul, la voix du plus aïeul, d'Allah alayhim. Et malgré tout ça, ces sentiments n'ont pas emporté Imam Ahmed. Ces sentiments, hein, comme disent les hommes de science, quand les sentiments ne sont pas conditionnés par la parole d'Allah, il a sunna du prophète alayhi salam, il a voix du plusieurs dans l'âme, ça devient des tempêtes. Awasif akhal islam. Al-awatif, awasif. Mais malgré tout ça, Imam Ahmed n'a pas suivi ses passions. Il ne s'est pas laissé emporter par les sentiments et par les tempêtes. Il est resté ferme sur la sunna. Car c'est la meilleure des guidées. Et il a ordonné, dont nous devons tous, le fait d'obéir à Allah, le fait d'obéir à son gouverneur. Et il a réuni le commun des musulmans sur l'obéissance au gouverneur. Et il est resté stable comme une montagne devant tout le monde, devant tous ceux qui voulaient se révolter et qui voulaient être sur une autre voie que la voie du prophète alayhi salatu wassalam et la voie du plusieurs d'Allah alayhim, et qui voulaient suivre leur passion, qui voulaient suivre leurs sentiments, dénuder leurs sentiments qui n'étaient pas conditionnés par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna, qui voulaient suivre ces voies de la révolution. أين محمد حسان ومن أثنى على هذه الثورات وسمى بأسماء عظام وأنزل عليها أوصافا فاضلة أنزل أوصافا فاضلة على هذه الأفعال الشانعة المنكرة الظالمة الآثمة كما قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في رده على محمد حسان قال محمد حسان أنه شاهد عيان وأنه كان يقف مع الثوار في ميدان التحرير وسمى المظاهرة ثورة مباركة للمطالبة بالحقوق المشروعة فعجب فعجب قول وفعل هذا الداعية ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الذي عليكم السمع والطاعة وتسألون الله الذي لكم وهذا يقول إن الخروج للمطالبة أن هذا الخروج للمطالبة بالحقوق الشرعية العادلة وهذا الكلام أخ الإسلام مخالف لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام مخالف لأقوال السلف ولمواقف السلف ولموقف الإمام أحمد وغيره من أئمة الدنيا فافتح أخ الإسلام إن أردت صحيح البخاري باب الفتن واقرأ ما جاء في طاعة ولاة الأمور اقرأ أخ الإسلام سنتك بين يديك إيه Maintenant, ce que vous avez entendu de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, par rapport aux positions de l'imam Ahmed, où se trouve la position de Mohamed Hassan, qui a fait l'éloge de ces mauvaises révolutions et de ces manifestations, et il les a appelés, il les a décrits d'une noble description. Il leur a donné de ces titres et de cette description. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. Alors que ces actes sont blâmables, dans ces actes, dans ces révolutions, dans ces manifestations, il y a eu des viols, il y avait du brûle, il y a le mal qu'il n'y a pas. Et tout un chacun a pu téléphoner chez lui au Maroc, à Al-Husseima ou ailleurs, il a vu ce que ça a fait. Il a peur dans laquelle sont rentrés les gens maintenant, alors que avant-hier ils étaient dans une stabilité, dans une sécurité. Hein? Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, il a répliqué à ces paroles de Mohamed Hassan. Ici, Inch'Allah, le temps le permet, je passerai sur la réplique, sur les paroles de Mohamed Hassan avec la réplique de Mohamed bin Hadi, avec la réplique de son éminence Mohamed bin Hadi al-Madkhali, pour comprendre la position du Pizayr d'Allah, comment il est, et les prêcheurs de la fitna, comment il est. Et les paroles et les positions des prêcheurs de la fitna, comment il est. Mohamed Hassan, il disait qu'il était un témoin oculaire, qu'il était sur le terrain, sur la place de la libération. Et il a appelé cette révolution et ces manifestations, il les a appelées des manifestations et une révolution bénite. Alaykoum salam. Il dit parce que dedans, on appelle, on demande les droits légiférés et les droits justes. Extraordinaire la parole et les actes de ce da'i, de ce prêcheur. Alors que notre prophète alayhissalam a dit dans ce qui est authentique, après moi vous allez voir qu'il y aura des gouverneurs qui vont prendre l'argent pour eux, qui vont et le garder pour eux, et vous allez voir des choses qui sont blâmables que vous n'allez pas reconnaître. Ils ont dit à Rasulallah, qu'est-ce que tu nous ordonnes? Il leur a dit, vous vous acquittez de votre devoir vis-à-vis de ces gouverneurs, c'est-à-dire obéir. Et écoutez et obéir donc l'obéissance à Allah. Et vous demandez votre droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, il dit, ce khuruj, cette révolte et ces manifestations, c'est pour demander les droits légiférés et que ces manifestations, c'est une justice. Et ainsi de suite, des paroles qui sont en divergence avec la parole du prophète. Et je te demande, d'Akhal Islam, va dans Sahih al-Bukhari ou dans Sahih Muslim, regarde le livre, le chapitre al-Fitan, lis-le pour que tu comprennes les textes où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne le fait de ne pas se révolter contre le gouverneur. Regarde, jusqu'à avant-hier, jusqu'à samedi, les gens à Tanger, à Al-Husayma, ils étaient tranquilles, ils étaient dans une sécurité. Aujourd'hui, certains de nos frères, il m'a dit tout à l'heure, au déjeuner, il m'a dit, j'ai appelé mon père, il m'a dit que les magasins sont fermés, qu'il y a la peur partout, que les gens n'osent pas sortir. Hier, on était dans une stabilité et dans une sécurité. Aujourd'hui, on ne peut pas aller faire ses courses à Khal-Islam. Alors, il ne faut pas croire que, Subhanallah, le plus aïeul était sur une voie claire à Khal-Islam. Le plus aïeul savait qu'est-ce qu'il y a derrière la fitna. واسمع الآن للإمام أحمد اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله إلى الإمام أحمد رحمه الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه écoutez maintenant les jurisconsultes et les hommes de science de Bagdad pendant le gouvernorat de l'Ouathiq, se sont réunis, sont venus voir l'imam Ahmed. Ils lui ont dit la situation est devenue énorme. Et le fait de croire que le Coran est une créature s'est propagé. Et on n'accepte pas son gouvernorat, ni son pouvoir. Donc ils voulaient se révolter contre lui. Ils ne l'acceptent plus. Ils veulent qu'il dégage. Comme le demandent maintenant tous ceux qui sortent, ils demandent quoi? Et mettre qui après à la place? Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam wa ta'ala. On sait quand ça commence, mais la fin, Allah subhanahu wa ta'ala sait la fin vers laquelle va tout ça. فَنَاظَرَهُمْ الْإِمَامِ أَحْمَدْ فِي ذَلِكَ وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر الله أكبر كم الليلة تشبه البارحة كم الليلة تشبه البارحة على لسان وزير الداخلية في المغرب قال أنه وجد 5 أشخاص في وكالة بنكية حرقوا فحم أخ الإسلام هكذا إيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى a débattu avec eux il leur a dit comprenez-vous à la voix de à la sunna de votre prophète عليه الصلاة والسلام mais attention blâmez son mal dans vos cœurs et restez obéissants à ce gouverneur. Ne sortez pas du groupe. Ne cassez pas le bâton des musulmans et ne faites pas couler le sang des musulmans. Et ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans avec vous. Et regardez à la situation vers où il va aller. Regardez la fin de la situation et soyez patients. Jusqu'à ce que ceux qui sont soumis à Allah, qui sont dévoués à Allah, soient reposés, soient soulagés du pervers. Et combien la nuit d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui. Hier, la stabilité, par un communiqué du ministère de l'Intérieur marocain, 5 personnes à Khal-Islam se sont trouvées comme un charbon dans une banque. La cause, la révolution. La cause, la désobéissance. La cause, les manifestations. Qui, soi-disant, au départ, doivent être pacifiques. Soi-disant. يقول إمام أحمد وقال ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا هذا خلاف الآثار وقال ليس هذا أي نزع طاعة أي عدم طاعة ولي الأمر هذا خلاف الآثار et il leur a dit le fait de ne pas obéir ça c'est contraire aux preuves c'est contraire à la voix du messager contraire à ce que nous a enseigné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et à la voie sur laquelle étaient les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. فهذه سورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون تبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب وتشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة فيه. Ça, c'est une image parmi les plus sublimes images que nous a transmis, ceux qui ont transmis, les choses de cette religion, et les actes de nos puiseurs d'Allah alayhim, qui te montrent l'importance que donnait Salaf Ridwanullah alayhim à ce grand fondement. Et cette mise en pratique de ce fondement, ce grand point essentiel et fondamental qui est le fait d'obéir au gouverneur et de ne pas se révolter contre lui. As-suratu al-thaniya, at-ta'kidu ala al-du'a ilah. La deuxième image, c'est que le puiseur d'Allah alayhim insistait sur le fait de faire du'a au gouverneur. Mithalu dalik, ma ja'a fi kitab as-sunnah lil-imam al-hasan ibn Ali al-Barbahari rahimahullah ta'ala. حيث قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. Et parmi les exemples qui sont le fait de faire du'a au gouverneur, ce qui est rapporté dans le livre de Sunnah l'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, quand il a dit: quand tu vois l'homme faire du dua contre le gouverneur, sache que c'est un homme qui suit ses passions. Et si tu vois un homme faire dua pour le gouverneur, sache que c'est un homme qui est sur la sunna, incha'Allah. يقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان رحمة الله على سلف هذه الأمة. الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى de dire: si j'avais un dua, c'est-à-dire si je savais que j'avais un dua qui allait être exaucé, je l'aurais mis à qui? Au gouverneur. Allah subhanahu wa ta'ala agréé le puiseur d'Allah alayhi. Fa'umirna an nad'ouwa lahum bis salah, wa lam nu'mar an nad'ouwa alayhim, wa in jaru wa zalamu, lianna jawrahum wa zulmahum ala anfusihim, wa ala al-muslimin, wa salahuhum li anfusihim wa lil-muslimin. Et il nous a été ordonné le fait de faire des du'as pour que Allah subhanahu wa ta'ala réforme nos gouverneurs et qu'ils soient dans la bonne voie. Il ne nous a pas été ordonné de faire des du'as contre eux, même s'ils sont injustes, même s'ils ont dépassé leurs limites. Car leur injustice et le fait de dépasser leurs limites, ils vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait qu'ils soient bons, ceci va être pour eux et pour les musulmans. ولعل شخصا يقول كيف ادعو لحاكم لا يحكم بغير ما انزل الله. فاسمع اخ الاسلام للعلامه الفوزان يجيبك على ذلك. يقول حفظه الله: الكافر يدعى له بالهدايه فكيف بالمسلم العاصي فيدعى له بالهدايه. فيدعى بالهداية للكافر وللمسلم ويدعى لولي الأمر أن يوفقه الله للتوبة ولتحكيم الشريعة لا بأس بذلك. هؤلاء أئمتنا فأتني بمثلهم يا غبي إذا جمعتنا المساجد. Et peut-être que quelqu'un parmi vous se dira: comment je peux faire un dua pour un gouverneur qui ne gouverne pas avec les lois d'Allah? Écoute maintenant son éminence, le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, te répondre à ça. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, au mécréant, on lui fait du'a pour qu'il soit guidé. Comment il en est pour le musulman désobéissant? Il faut lui faire du'a pour qu'il soit guidé. On fait du'a pour le kafir et pour le musulman pour qu'il soit guidé. Et on fait du'a pour le gouverneur, pour qu'il se repente et qu'il revienne vers Allah et qu'il accomplisse la législation d'Allah. Ça, ce sont les imams Ramène quelqu'un comme mon frère en Allah Azza wa Jal. Toi, l'insensé, quand on se réunira dans les mosquées, ramène des hommes comme ceux-là et des hommes qui sont sur la même voie que ceux-là. Surat al-Talita, Iltimas al-Udhri lah. كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور السلطان فاكتروا حمد الله تعالى وشكره وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم وهذا مصداق قوله عز وجل وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومصداق الحكمة التي تقول كما تكون يولى عليكم فتأبى حكمة الله في هذا الزمان أن يولي عنا أبو بكر أو عمر فضلا ها كيف يولي علينا الله سبحانه وتعالى أبو بكر وعمر ها وهنا طريفة هذا علي رضي الله تعالى مرة يمر في الشارع فيقول له رجل يا علي الناس لم تختلف على أبي بكر وعمر وعثمان لماذا يختلفون عليك فقال رضي الله عنه عندما كانت الرعية مثلي أي مثل علي ما اختلفت على ولاة أمورها وخلفاء المسلمين ولكن عندما أصبحت الرعية مثلك اختلفتم علينا ها رضي الله عن أئمة المسلمين وعن صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين فإن الله عز وجل Les hommes de science disaient « Quand vos gouverneurs sont droits, faites des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, soyez reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et s'il vous arrive quelque chose que vous détestez de votre gouverneur, orientez cette chose qui vous arrive, cette injustice, le fait qu'il ait dépassé ses limites, vers ce que vous avez fait comme péché. » Et vers les choses que vous méritez par vos péchés. Et ceci va de pair avec le verset qui dit ce qui vous arrive, c'est-à-dire comme catastrophe, c'est parce que vous l'avez mérité. Nous l'avons mérité comment ? Par nos actes. Et la hikma d'Allah refuse que maintenant nous soyons gouvernés par des hommes comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah ou Omar ibn Abdel Aziz ou autres. C'est impossible. Regardez maintenant le noble compagnon et le noble calife, le quatrième calife de cette communauté Ali Ridwanullah Ali. Un jour, un homme le regarde dans la rue et lui a dit Ya Ali, Ya Amir al-Mu'mini, pourquoi les gens sont maintenant en divergence dans ta wilaya ? Alors qu'il n'était pas à l'époque d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman. Il lui a dit Regardez la réponse pour qu'on comprenne qu'il faut revenir à la voie de ne plus être d'Allah Ali. Revenir à la voix des nobles compagnons. Il leur a dit, quand nous étions, c'est-à-dire Ali et les compagnons, quand nous étions, nous, la population, ben, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas eu de divergence sur ni Abu Bakr, ni Omar, etc. Mais maintenant, si vous, la population, ben, vous divergez sur nous. Hein? Donc la voix, ce qui pourra faire le bien de la fin de cette communauté, C'est la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons. Ridwanullah alayhim. يقول رحمه الله والكلام للطرطوشي في سراج الملوك واقيموا عذر السلطان لانتشار الامور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع انتهى من كتاب سراج الملوك للطرطوشي رحمه الله تعالى Il dit رحمه الله تعالى et accomplissez des excuses, trouvez des excuses pour vos gouverneurs parce que la situation est grande pour eux, le royaume est énorme Et il a beaucoup de choses auxquelles il doit faire face. Hein? Et son royaume est grand, ou sa république est énorme. Hein? Et il a aussi, il doit aussi attirer la sympathie des ennemis d'Allah et éloigner leur injustice. Et il doit aussi acquérir l'agrément des alliés. Et il y a aussi peu de gens qui le conseillent. Il y a beaucoup qui lui déguisent la situation et qui ont envie de prendre dans le trésor. C'est pour ça qu'il faut lui chercher des excuses. Hein? Billah alayk, ana chouf anta, tu es président, là tu es roi chez toi. Et ton royaume peut-être ne dépasse pas 5 personnes. Toi, ta femme, 3 enfants. Ou la plus, ou la moins. Par Allah, est-ce que tous les jours, tu accomplis le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce royaume? Hein? Pose-toi la question. Avant de la poser à un autre qui a 40 millions, 50 millions de personnes sous sa responsabilité. Toi d'abord, est-ce que tu t'en acquittes? Ça fait partie du jugement d'Allah, le droit de la famille. Ça fait partie du jugement d'Allah, le droit de la sunna. Yarhamukallah. Regarde juste toi. Est-ce que tu t'acquittes des droits d'Allah et du jugement d'Allah? Allah t'a ordonné de lâcher ta barbe. Qu'est-ce que tu en fais? Allah t'a ordonné de relever ton pantalon qu'il ne soit pas en plus bas que ta cheville. C'est un hukm, c'est un jugement. Et pourquoi il est au-delà de ta cheville? Et alors tu laisses ça que tu peux faire et tu vas regarder ce que tu ne peux pas atteindre. Et celui qui est plus loin que toi. Et que peut-être lui, il a des excuses parce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Ou lui déguise les situations et ainsi de suite. Qu'on réfléchisse un petit peu. Là, il est facile, hein, de faire comme ça à la mouche. Hein, sur le nez de quelqu'un, tu as une mouche, tu as un petit truc. Mais regarde, toi le venin. Hein, qui coule dans les veines et qui te grignote en dénigrant les droits d'Allah, en dénigrant ce que tu dois accomplir dans tes 24 heures et tu les négliges. Hein? Subhanallah, on veut juger les autres, on ne veut pas juger nous-mêmes. Hein? Regarde, est-ce qu'on s'acquitte réellement de notre prière comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez prié. N'est-ce pas un ordre du prophète alayhi sallam? Hein? Regarde! Akhi. يقول رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح لطال المقام واتسعت دائرة الكلام. Il dit رحمه الله تعالى: et si nous allons pour compter les cas de figure des positions de nos puiseurs de Allah عليهم, la situation va être énorme, hein? Et ceci ne va pas être contenu dans une préface. يقول وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود وإيضاح للمنشود فمن تأمل فيه وأنصف بان له غلط غلط من تعسف وأجحف ولم ير لولاة الأمر حقا ولم يرع لهم قدرا فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم اتباعا للهوى وتأثرا بمذاهب أهل الردى. Il dit, dans ce que nous avons évoqué, ça attire l'attention. Et le but dedans, il est clair. Et la situation vers laquelle que nous voulons montrer, il a été, hein, très clair. Il dit, celui qui le médite et qui est équitable, il voit l'erreur de ceux qui ne se sont pas acquittés de ce droit vis-à-vis des gouverneurs et qui sont allés à l'extrême. Et ceux qui ne voient aucun droit à leur gouverneur et qui ne le prennent pas, qui ne leur donnent pas la place qu'ils méritent, qui ne les estiment pas comme il se doit et qui les a dépouillés de leurs droits, hein, il ne leur a pas donné leurs droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et qu'il a suivi ses passions et il a été influencé par les voies de la destruction. يقول رحمه الله ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما زادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولات الذي هو أصل فساد الدنيا والدين. Il dit, rahimahullah ta'ala, il faut savoir que la règle chez les puisaires d'Allah alayhim, en ce qui concerne ce fondement principal, qui est le fait d'obéir aux hommes de science, qu'il faut s'en occuper chaque fois que la situation, chaque fois qu'on en a besoin, pour fermer les portes de la fitna. Hein? Et combien les portes de fitna sont ouvertes maintenant? Donc il est temps de se pencher sur ce chapitre. Et les hommes de science n'ont pas cessé d'expliquer les livres, etc. L'explication. Mais où sommes-nous du fait d'écouter les hommes de science et de lire leur explication? L'explication qu'a donnée Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh à la législation légiférée d'Ibn Taymiyyah et les explications qui ont été données à Sunnah al-Barbahari et à l'Aqidah al-Tahawiya et à l'Aqidah al-Wasatiyah, dans laquelle il y a des chapitres énormes concernant le gouverneur et ce fondement principal qui est le fait, l'interdiction de se révolter contre eux, les gouverneurs des pays de l'islam. Pourquoi? Pour fermer la porte à ces révoltés. Et pour aussi fermer la porte à ce grand mal, parce que ça détruit la religion et ça détruit aussi la dunya, et ça amène l'insécurité. يقول ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في هذا الباب عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة فيه إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح. Il dit ceci, a été fait. Cette règle se trouve dans les livres des imams de la da'wa de Najd. Que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. À ce niveau-là, il y a ce chapitre-là. Contre les idées destructeurs et les idées qui ont dévié du groupe qui ne décolle pas des gens du bien et des idées qui ne décollent pas de la voie d'Al Salaf se sont immiscés dans la communauté. Les imams se sont occupés de ce fondement. Yaqul falakad aktaru rahimahumullahu ta'ala min taqrir hadha al-amr wa afadu fihi وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الواردة عليه ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرض منهم لهذا الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. Il dit, ils l'ont fait, les imams de la da'wa Najd l'ont fait comme il se doit pour confirmer et ancrer cette situation dans les esprits. Ils l'ont répété, ils ont répété les éclaircissements à ce niveau-là pour que ceci soit clair pour la communauté et pour dissiper toutes les ambiguïtés. Ils ne se sont pas suffi d'une parole, pas tout simplement de la probation ou de la confirmation d'un parmi eux, parce que la situation est dangereuse, parce qu'ils savent ce qui émane du fait d'ignorer ce fondement. Les épreuves qui en découlent du fait de l'ignorer. Et le grand mal qui en découle. Quand est-ce qu'il y a l'Isha, Najib? Hein? On arrête là, Inch'Allah. On reprend après Salat l'Isha. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Barakallahu fikum. Ahsallahu ilaykum. Wa jazakumullahu khairan. Wa ba'da Salat l'Isha, Inch'Allah. Je crois que ça va être très bien.